Et ça, c'est ash-shirk. Comme Allah dit également, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme les égaux d'Allah. Ils les aiment comme Allah doit être aimé. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme Allah doit être aimé. Donc ils ont fait d'eux des égaux à Allah dans l'amour. L'amour d'adoration qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne doit être associé à lui dans cet amour qu'on appelle l'amour d'adoration qui implique la soumission et la dévotion et la vénération. Al-mahabba ma'a at-ta'zim wa al-ijlal lillahi 'azza wa jall. Donc ces associateurs également, ils ont pris des égaux à Allah dans son amour, l'amour d'adoration. L'amour, on ne parle pas de l'amour naturel que puisse avoir un enfant pour son père, un père pour ses enfants, un homme pour son épouse. Ça, c'est al-mahabba al-tabi'iyya, ou al-tabi'iyya, l'amour naturel que tu ne contrôles pas et qui n'est pas sujet de blâme ni d'éloge. Sauf quand tu l'orientes dans l'amour d'Allah subhanahu, dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu vas aimer ton père en Allah. Et non pas l'amour qu'a l'enfant pour son père, même s'il est mécréant. Ça, c'est un amour naturel qui est commun entre les croyants, les mécréants, et tu le trouves même chez les animaux. Tu le trouves même chez les animaux. Mais quand le croyant, il aime ceux qu'il aime à la base naturellement, il les aime en Allah, ça se transforme en une adoration qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, cet amour en soi-même, c'est un amour que tu ne contrôles pas et qui n'est pas de tes actes et qui n'est pas sujet de blâme ni d'éloge. Contrairement à l'amour que tu as pour ton ami. L'amour que tu as pour ton ami, c'est un amour choisi. C'est pour ça que tu es responsable de la nature des amis que tu fréquentes. Les amis que tu fréquentes, yani volontairement, en choisissant leur fréquentation. Tu peux avoir des collègues dans le travail que tu fréquentes sans le choisir. Ça ne rentre pas non plus. Mais les amis que tu choisis doivent être sur... Yani, ce choix doit être fait avec des critères religieux. Le Nabi a dit « Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. » L'homme est sur la même religion que son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde ce qu'il prend comme ami intime. Aimer un mécréant en dehors de l'amour naturel, c'est un péché. Et c'est un interdit dans l'islam. Le croyant ne doit aimer que ceux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de l'islam, les gens de tawhid, les gens de la sunna. Ça, c'est l'amour parfait et complet. Et après, ceux qui sont dans les innovations et qui sont dans le cercle de l'islam, il y a un amour vis-à-vis d'eux, l'amour qu'on a pour chaque musulman, mais Salaf ne leur montrait pas cet amour. Salaf ne leur montrait pas cet amour pour le maslaha de mettre en garde contre eux et contre leurs égarements. Car si tu viens chez l'awam et tu leur dis un tel tablighi, je l'aime en Allah pour toutes ses qualités, mais je déteste en lui cette bid'a. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça que tu dois être, même vis-à-vis d'un tabliri. Du moment qu'il est dans l'islam, il a le droit de l'islam, il a l'amour qu'on doit avoir pour chaque personne ayant tawhid, mais on doit le détester également pour son innovation et son égarement, proportionnellement à son égarement, mais on ne doit pas le détester comme on déteste un mécréant. Ça, c'est de l'exagération. Mais le fait de dire cela ne veut pas dire que tu vas te rapprocher de lui et faire de lui un ami ou des choses comme ça. Non. Ça, c'est dans le cœur. Dans le cœur du croyant. Mais dans l'apparence, ce que tu lui montres, tu lui fais le nasiha, tu le conseilles, tu lui ramènes les preuves, les dalils, les arguments, les paroles des savants. Il s'obstine dans son égarement et dans son innovation, tu lui fais le hajr. Et tu t'éloignes de lui pour te préserver déjà toi le premier, pour pratiquer cette adoration parmi les plus grandes adorations de l'islam qui est le hajr, et aussi pour mettre en garde la umma contre son égarement et l'environnement dans lequel il vit, afin que les gens savent, afin que les gens sachent d'une manière claire, que t'es pas comme lui. Faut que tu te distingues de lui. J'ai pris ça comme exemple, mais on peut dire de même pour un soufi, un ikhwani, un takfiri, et ainsi de suite. Qu'Allah nous préserve de l'égarement, et nous raffermisse sur la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de salaf salih.